Néhémie chapitre 6. Or il arriva que, quand Sambala, Tobija, et Gesem, Arabe, et le reste de nos ennemis, eurent appris que j'avais rebâti la muraille, et qu'il n'y était demeuré aucune brèche, bien que, jusqu'à ce temps-là, je n'eusse pas encore mis les battants aux portes. Sambala et Gesem envoyèrent vers moi, pour me dire, « Viens, et que nous nous trouvions ensemble au village, qui sont à la campagne de nos. » Or ils avaient comploté de me faire du mal. Mais j'envoyais des messagers vers eux, pour leur dire, « Je fais un grand ouvrage, et je ne saurais descendre. Pourquoi cesserait l'ouvrage, comme cela arriverait lorsque je l'aurais laissé, et que je serais descendu vers vous ?» Et ils me mandèrent la même chose quatre fois, et je leur répondis de même. Alors Sambala envoya vers moi son serviteur, pour me tenir le même discours une cinquième fois, et il avait en sa main une lettre ouverte, dans laquelle il était écrit, « On entend dire parmi les nations, et Gasmu le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous rebeller, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille, et que tu t'en vas être leur roi, selon ce qu'on en dit, et même que tu as ordonné des prophètes pour te louer dans Jérusalem, et pour dire, il est roi en Judée. Or, maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses, viens donc maintenant, afin que nous consultions ensemble. » Et je renvoyai vers lui, pour lui dire, « Ce que tu dis n'est point, mais tu l'inventes de toi-même. » Car eux tous nous épouvantaient, en disant, « Leurs mains quitteront le travail, de sorte qu'il ne se fera point. » Maintenant donc, ô Dieu, renforce mes mains. Outre cela, je vins en la maison de Semaïa, fils de Delaja, fils de Méhétabéel, lequel était retenu. Et il me dit, « Assemblons-nous en la maison de Dieu, dans le temple, et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et ils viendront de nuit pour te tuer. » Mais je répondis, « Un homme tel que moi s'enfuirait-il ? Et qui sera l'homme tel que je suis, qui entre au temple pour sauver sa vie ? Je n'y entrerai point. » Et voilà, je connus bien que Dieu ne l'avait point envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi, et que Sambala et Tobija lui donnaient pension. Car il était leur pensionnaire, pour m'épouvanter, et pour m'obliger à agir de la sorte, et à commettre cette faute, afin qu'ils eussent quelque mauvaise chose à me reprocher. Ô mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sambala, selon leurs actions, et aussi de Noadja, prophétesse, et du reste des prophètes qui tâchaient de m'épouvanter. Néanmoins la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Quand donc tous nos ennemis l'eurent appris, et que toutes les nations qui étaient autour de nous l'eurent vu, ils en furent tout consternés en eux-mêmes, et ils connurent que cet ouvrage avait été fait par le secours de notre Dieu. Mais aussi, en ces jours-là, les principaux de Juda envoyaient lettre sur lettre qu'allait à Tobija, et celle de Tobija venait à eux. Car il y en avait plusieurs en Judée, qui s'étaient liés à lui par serment, à cause qu'il était gendre de Séchania, fils d'Ara, et que Johanan, son fils, avait pris la fille de Mésulam, fils de Bérossia. Et même il racontait ses bienfaits en ma présence, et lui rapportait mes discours, et Tobija envoyait des lettres pour m'épouvanter.